Ah, oh, bonjour, vous êtes là. Je vous avais pas vu. De Fangio à Hamilton, c'est 70 ans de joie, de rire et de pleurs, et surtout des légendes de la Formule 1 qui auront, chacune à leur manière, marqué la discipline et inspiré les générations futures. Cet éternel et infini débat de qui est le meilleur, le plus grand pilote de l'histoire, et qui nous donne aussi et surtout un prétexte pour découvrir ou redécouvrir la mythologie des plus grands noms de la Formule 1 et les événements clés pour revivre la grandeur de ce sport. La dernière fois, nous avions évoqué la naissance du sport, d'écuries mythiques comme McLaren ou Lotus, l'émergence et la chute de Ferrari, la domination sans partage de la machine que fut Fangio, de la savoureuse rivalité entre Graham Hill et Jim Clark, le combat pour la sécurité mené par le champion du monde Jackie Stewart, dans une carrière aussi riche en succès qu'en disparition. Mais aussi nous avions parlé de destins brisés de légendes comme Bruce McLaren, Jim Clark, Alberto Ascari ou Jochen Rindt. Et je vous propose aujourd'hui de reprendre notre série où nous nous en étions arrêtés la dernière fois, à la retraite de Jackie Stewart, suivant la disparition de son talentueux disciple François Sévère lors des qualifications de Watkins Glen en 1973, et nous pencher sur une nouvelle génération de talents dans des saisons particulièrement dramatiques. Pour ceux qui s'intéressent à l'empreinte statistique de la Formule 1, eh bien à ce moment-là de l'histoire, Juan Manuel Fangio reste ce monstre intouchable ayant gagné 5 titres, mais Jack Brabham et Jackie Stewart ont su s'imposer chacun à leur manière avec 3 titres chacun. Oui, j'ai fait 4 avec mes doigts. Ce dernier, Stewart, détient cependant le record de 27 victoires, tout juste devant Jim Clark à 25 et Fangio à 24. Des nombres impressionnants, puisqu'il faut ensuite aller chercher Stirling Moss, une figure que je n'ai que brièvement mentionnée, pour le trouver à 16 succès devant les 14 de Brabham et Hill. Les 16 succès de Sir Moss sont d'autant plus impressionnants, puisqu'il détient le record, encore à ce jour, d'être le pilote avec le plus de victoires sans couronne mondiale, ce qui lui vaut le surnom de champion sans couronne auprès de ses pairs. Côté pole position, Jim Clark en détient le nombre incroyable de 33 devant Fangio à 29, alors qu'en troisième place, Stewart fait bien pâle figure avec 17 pole positions. Avec le nombre de Grands Prix qui augmente saison après saison, on peut s'attendre à voir ces chiffres progressivement égalés, mais ils restent malgré tout des records enviables et des cibles pour toutes les prochaines générations que nous allons évoquer aujourd'hui. Et pour faire la transition, eh bien commençons à nous intéresser au dernier grand rival de Jackie Stewart qui gagna le titre en 72, Emerson Fittipaldi. Oh non, ne riez pas, chers fans subjugués par cette barbe atypique. Et oui, car avec cette mode des improbables pilosités faciales de l'époque, l'adage en Formule 1, c'est « plus les roues-flaquettes sont longues, plus on va vite ». Et les roues-flaquettes de Emerson Fittipaldi sont très très longues. Après le décès de Jim Clark, Colin Chapman, fondateur de l'écurie Lotus, plaçait sa confiance en Jochen Rindt en 69, avant que l'Autrichien ne perde à son tour la vie en 70 avant de gagner le titre. Chapman plaçait sa confiance en son débutant de numéro 2, un très jeune Brésilien du nom de Emerson Fittipaldi. Jovial et bon vivant, Fittipaldi est vite refroidi par Chapman, qui lui avoue ne pas vouloir nouer de lien avec lui, de peur de le perdre également. Après une année 71 difficile pour Lotus, Fittipaldi confirme son talent en gagnant le titre face à nul autre que Jackie Stewart. En 73, le duel est relancé pour quelques courses, mais Emerson souffre dans la nouvelle évolution de Lotus. Il prend le pari de signer pour McLaren en 74. Depuis la victoire inaugurale de son fondateur en 68, McLaren a vu sa meilleure saison en 73 en étant la seule équipe à prendre des victoires en dehors de Stewart et Fittipaldi dans sa Lotus. Teddy Mayer, juriste américain qui accompagnait Bruce dans le développement de McLaren Racing aux États-Unis, a pris les rênes et mène l'écurie vers le succès avec à ses côtés un brillant ingénieur du nom de John Barnard qui travaille aux côtés de Gordon Kopuch. Pour la première fois de son histoire, McLaren est en position de se battre pour le titre. Pour la dernière manche de la saison à Watkins Glen, Emerson arrive à égalité de points avec la Ferrari de Claire Regazzoni. La tension est intense, surtout que Rigazzoni est craint par ses pairs. En dehors des paddocks, le très gentil et souriant pilote suisse aura du mal à se chercher des ennemis. Mais beaucoup jugent son pilotage dangereux et estiment que, plus d'une fois, il a dépassé les limites de ce qui était acceptable en piste. Mais ce dimanche, nulle crainte pour Emerson à Watkins Glen. Une course horrible pour Ferrari offrira le second titre à Fittipaldi qui émerveille le monde. En plus d'être le plus jeune champion du monde de l'histoire à 25 ans, et donc le plus jeune double champion du monde, il est le premier champion brésilien de l'histoire et a gagné son Grand Prix national, le premier champion du monde pour l'équipe du regretté Bruce McLaren, et domine nettement son équipier Denny Hulme, champion en 1967. Et en 75, la lutte face aux Ferrari continue. Et oui, vos orifices auditifs ont bien fonctionné, Ferrari est de retour après des années d'échecs, et c'est en grande partie dû au recrutement le plus inattendu qui soit, celui du pilote Claire Rigazzoni. Enfin, pas vraiment. Enfin, presque. Je voulais dire Niki Lauda. Le pilote autrichien n'a pas grande réputation en Formule 1, ayant fait un prêt à sa banque pour payer son baquet chez March en 71, il passe ensuite chez BRM en 73, où il fait équipe avec Claire Rigazzoni. Enzo Ferrari est impressionné par l'Autrichien, et lorsque Rigazzoni revient à la Scuderia en 74, Enzo lui demande son avis sur Lauda. Claire répond que Lauda a une intelligence rare pour comprendre et régler sa voiture et recommande vivement son recrutement. Enzo et Niki apprennent à se connaître et se comprendre réellement pendant les essais privés à Fiorano lorsque l'Autrichien découvre la voiture rouge pour la première fois. Accompagné par son fils pour lui faire la traduction, le Commendatore demande fièrement ce que ça fait à Lauda de rouler dans une de ses Ferrari. Et Lauda répond simplement « C'est de la merde. Ça s'ouvre et c'est inconduisible. » Après un long silence gênant, Ferrari lui demande de combien il peut améliorer s'il corrige le problème, ce à quoi Lauda répond 3 à 5 dixièmes, ce qui est beaucoup sur une piste aussi courte que Fiorano. Monsieur Ferrari lui répond « Ok, très bien. Avec les ingénieurs, vous avez toute la journée pour régler la voiture. Si t'as pas amélioré de 5 dixièmes, t'es viré. » Juste parce que t'as dit que Ferrari, c'était de la merde. En fin de journée, Lauda est plus rapide de 8 dixièmes. Du coup, il s'est pas fait virer. Le courant passe difficilement entre les deux, car pour l'un, animé par la passion, il est normal que les pilotes travaillent gratuitement et donnent leur vie dans ces voitures, alors que l'autre, animé par le bon sens et le rationalisme, affirme que la passion, c'est bien, hein, mais que tout travail mérite gros salaire, et toute voiture, aussi bonne soit-elle, a besoin d'un tout aussi bon pilote pour gagner. Cependant, Lauda admire l'empire que Enzo a créé, et ce dernier admire l'audace et l'intelligence de Niki, et bien que ce soit fait dans des pluies de jurons et à contre-cœur, Lauda encaissera bien ses bons gros chèques. Ce respect mutuel permet à leur collaboration de durer et aux deux hommes de se parler sincèrement en toutes circonstances. Après l'échec de Rigazzoni au Mondial en 74, c'est au tour de Lauda de se battre et de gagner contre McLaren et Fittipaldi et de remporter son premier titre mondial et le premier titre constructeur de Ferrari depuis 1964. Ferrari est de retour, McLaren est en pleine éclosion et on attend impatiemment leur match retour en 76. Mais au dernier moment, Fittipaldi annonce son départ pour la nouvelle écurie de son frère et ce dès l'intersaison. Ce très mauvais transfert marque la fin du succès pour le prodige brésilien. Et pour McLaren, il va falloir trouver un remplaçant de dernière minute pour combler cet immense vide. Et ça va être dur hein, de trouver un remplaçant digne d'un double champion du monde à l'intersaison. Vous avez déjà entendu parler de James Hunt ? James Hunt est l'anti-Niki Lauda par excellence et la caricature de tous les clichés de Playboy de l'époque. Charismatique, intrépide, sauvage et icône de la débauche, comme disent les vieux. Si on surnomme Lauda l'ordinateur par son calme, son pragmatisme et son pilotage à l'économie prônant l'adage de Jackie Stewart, à savoir « pour gagner, il faut être celui qui va le plus vite, le plus lentement possible », dit exactement comme ça. Le surnom de Hunt, quant à lui, est « Hunt the Shunt », traduit en français par « James le casseur ». Caractériel, émotionnel et sauvage sur la piste, il est à l'antithèse du discret autrichien. Hunt débutait en 73, appuyé par son noble ami Lord Alexander Hesketh. Oui, parce que quand je dis noble ami, c'est pas une figure de style, c'est au sens littéral. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans un paddock de Formule 1. La nouvelle écurie anglaise Hesketh Racing vous invite à un buffet chaque week-end de course. Au menu, caviar, huîtres et champagne. Au milieu de ce monde noir et sale de cambouis, Hesketh aborde une livrée d'un blanc immaculé, un logo constitué d'un nounours avec un casque, et leur pilote James Hunt, qui ne se fait pas beaucoup d'amis en piste, porte sur sa combinaison le slogan « Sexe, le petit déjeuner des champions ». Pourtant, tous ceux qui n'ont pas pris Hesketh au sérieux le regrettent déjà amèrement. Why did you come and work for Lord Hesketh? I was out of a job and he was the only person who'd have me. That was easy. We all wear jackets of red, white and blue. There's one for me and there's one for you. How do they do it? How do they do? Cause to me they all look completely cuckoo. Oh, how did they start? How did they begin? Hesketh Racing are going to win. C'est un pari risqué pour McLaren de miser sur Hunt pour prendre la relève de Fittipaldi, mais il promet de se surpasser et d'éviter les déboires hors de la piste. Lorsque la saison 76 débute, personne ne s'attend à voir une des années les plus incroyables de la discipline et la plus grande rivalité de l'histoire du sport jusqu'alors. Lauda et Ferrari dominent le début de saison et la seule victoire de Hunt en Espagne lui vaut une disqualification pour une voiture non conforme après réclamation de Ferrari. Suite à une interruption de course à Brands Hatch pour un incident qui l'impliquait, Hunt gagne, mais Ferrari fait de nouveau appel et Hunt est de nouveau disqualifié. Les tensions montent entre Hunt et Lauda, pourtant très proches jadis. Mais Lauda invite à enterrer la hache de guerre le 1er août pour demander l'annulation du Grand Prix d'Allemagne au Nordschleife. On ne compte déjà plus le nombre de victimes de l'enfer vert. Et petit rappel de la dernière émission, en 70, les pilotes avaient obtenu l'annulation de ce Grand Prix et depuis, les organisateurs avaient fait des efforts sincères pour améliorer le tracé. Cependant, avec des voitures plus rapides et dangereuses que jamais, ces efforts sont toujours insuffisants. Et ce n'est pas aidé par un tracé gigantesque, rendant impossible d'avoir suffisamment de commissaires et de pompiers pour couvrir l'intégralité des 20 km de la piste. La FIA en a conscience et, suite à l'appui de Jackie Stewart, décide que l'édition de 76 sera la dernière. Mais si les autres pilotes partagent les réticences de Lauda, ils appuient que les organisateurs ont fait beaucoup d'efforts au fil des années pour améliorer ce circuit et ils sentent le devoir de devoir aller y courir même s'ils n'en ont pas envie. Hunt, quant à lui, ne veut perdre aucune chance de rattraper Lauda au championnat. Le vote sera décidé à une voix près pour son maintien. Tous les pilotes partent en pneus pluie mais se rendent compte que la piste est sèche. Seul Jochen Mass est parti avec des slicks et prend la tête de la course. Après avoir hésité, Lauda a finalement pris part à la course. Et suite à un mauvais arrêt au stand pour passer sur les gommes sèches, Hunt l'a dépassé et il le prend en chasse. Peu importe le risque, il est là pour gagner. Alors que certains pilotes n'ont pu éviter la carcasse de la voiture rouge, Lauda, qui a perdu son casque dans l'impact, est prisonnier dans un bûcher où son visage est exposé aux flammes. Brett Langer, Harald Hurt et Guy Edwards tentent de combattre les flammes et le système de sa ceinture de sécurité qui leur est inconnu. Pour ne rien faciliter, Nicky étouffe, brûle et se débat comme jamais. Arturo Mezzario, connaissant les ceintures très particulières de Ferrari, parvient à le détacher et après une cinquantaine de secondes de combat, Les quatre pilotes parviennent à le sortir de sa voiture et l'allongent sur la pelouse où gisent des centaines de débris. Lauda est conscient et s'inquiète des brûlures sur son visage, l'adrénaline lui faisant oublier la douleur que son corps subit. Pourtant, il est calme et rationnel, mais il sait qu'il a été exposé trop longtemps aux flammes. John Watson, qui veille près de Lauda, le rassure. « Tout va bien, Nicky. Ton visage va bien. Ne bouge pas, on va attendre les secours. Tout va bien. » Le temps est infiniment long. Au bout d'une dizaine de minutes, les secours arrivent et il est finalement transporté en hélicoptère. Choqué et blessé, Lauda est désormais entre de bonnes mains et la course peut reprendre. Jeroen Maas perd la tête de la course qu'il avait gagnée et James Hunt remporte le Grand Prix, voyant de nouveau ses chances pour le titre grandir. Mais les célébrations sont vite écourtées. Le champion du monde de F1, Niki Lauda, est dans un état critique suite à un accident lors du Grand Prix d'Allemagne. Pris dans un brasier pendant près d'une minute, son pronostic vital est sérieusement engagé, souffrant des vapeurs toxiques qu'il a inhalées. Ferrari a annoncé que l'Argentin Carlos Reutemann allait le remplacer. Alors que Hunt refait son retard, Ferrari compte sur Reutemann et Regazzoni pour lutter contre l'Anglais et permettre à Lauda de gagner le championnat posthumément, à l'image de Rindt 6 ans plus tôt. Quoique, pour gagner un championnat après sa mort, il faut remplir deux conditions. La première, c'est de finir premier du championnat, et la seconde, c'est d'être mort. Et si Lauda est toujours en tête du championnat... Il est arrivé sous la pluie, au volant du bolide qu'il conduisait pour la deuxième fois depuis son accident. Autour de lui, une meute de photographes qui le harcèlent. Stoïque, l'Autrichien considère que c'est la rançon de la gloire. Sur le plan physique, le champion du monde semble rétabli. Plus de fractures, mais encore les traces de ses terribles brûlures. L'accident, c'était il y a 40 jours, sur le Nürburgring, qu'il n'aimait pas d'ailleurs. Il avait fait savoir aux journalistes avant le drame. 40 jours de souffrance, et le voici à nouveau au volant. Certains parlent de miracle, Lauda, lui, explique ses semaines de lutte. Hunt est bouleversé des blessures de son vieil ami et mène un week-end désastreux qu'il termine dans le bac à gravier. Lauda, quant à lui, termine à une héroïque 4e place et à 3 points d'avance lorsqu'il arrive pour la dernière manche au Japon. Mais le déluge au mont Fuji décourage les pilotes qui demandent le report et l'annulation de l'épreuve. Cependant, ce 24 octobre 1976 ne marque pas seulement le final très attendu de cette saison. Pendant pratiquement toute une année, le monde entier a entendu parler de la lutte entre un Anglais fou et un Autrichien revenu des flammes. Les télés du monde entier sont venues pour diffuser cette épreuve et pour la FIA, il est hors de question de rater cela. Le départ de la course est donné et Hunt prend la tête alors que Lauda s'arrête après le premier tour. Mais s'arrête littéralement. Il abandonne et il refuse de prendre part à ce Grand Prix trop dangereux. Il accepte le risque, mais désormais, il connaît trop bien ce que cela implique. Dominant, Hunt doit s'arrêter à 3 tours de la fin à cause d'une crevaison. 2 crevaisons. Après un arrêt au stand désastreux, il ressort dans le peloton. Et il sait qu'il doit finir 3e. Chargeant et dépassant tout ce qu'il croise avec 4 roues, Hunt franchit le drapeau à damier furieux. Cette crevaison l'a privé de son premier titre. En tout cas, c'est ce qu'il croit jusqu'à son retour au stand où McLaren et les télévisions viennent le féliciter. James Hunt a terminé 3e et il est le champion du monde de la saison 1976. Une fois son Graal obtenu, Hunt perd son goût du risque. Il gagne en sagesse, mais perd en vitesse. Alors que McLaren s'effondre lentement, Hunt s'enfonce et finit par prendre sa retraite en 79 et devient commentateur de Grand Prix sur la BBC aux côtés de Murray Walker. McLaren souffre alors que son directeur Teddy Mayer est sous pression. Grâce à un ingénieux coup politique et commercial avec Marlboro, l'anglais Ron Dennis prend les commandes de McLaren Racing en 1980. Well now, James, they've changed the regulations concerning the air boxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls. Forget it. Can't they print that? Yeah, do it again. Just keep going. He's wrong. No. He's buggering about. We can't. But it's true. I told the UPI man that, and he thought I was taking the piss. So did we. Mais retour en 76, alors que Hunt célèbre, les tifosi sont en deuil. Son abandon au Mont Fuji l'a prouvé. Niki Lauda est bel et bien mort le 1er août sur le ring, et cette carcasse défigurée n'est plus que l'ombre du brillant champion de 75. Alors que Carlos Reutemann a été appelé avant même que l'on s'inquiète de l'état de santé de Lauda, Reutemann est officieusement traité comme le nouveau numéro 1 de l'équipe. Enzo Ferrari propose à Lauda le poste de directeur exécutif à ses côtés. « Va te faire voir ! Moi, je suis un pilote !» répond Lauda. Sans mauvaise intention aucune, le commandatolé lui dit que peut-être il aurait mieux fait d'abandonner la saison pour finir de se remettre en forme. « Ils auraient aussi perdu, mais ils auraient été les vainqueurs moraux de cette saison, lui dit-il. »« Perdre allongé dans son lit, c'est peut-être ça l'honneur pour des Italiens, mais c'est pas mon style. » Lauda est aussi déterminé qu'il est rancunier. Et il écrase le championnat et Reutemann en 77 avant de claquer la porte. Avant la fin de saison, ouais. Et il est très rancunier. Il envisage la retraite avant d'être recruté par Brabham. Mais pourquoi dans l'écurie de Brabham, nom éponyme du triple champion du monde australien, pourquoi particulièrement dans cette équipe? Eh bien grâce à celui qui racheta l'équipe en 72, Bernie Ecclestone. Nous avions évoqué son nom en tant que manager et ami de Jochen Rindt, mais Ecclestone est aussi un homme d'affaires brillant qui offre à Lauda un contrat de 1 million de dollars, encore du jamais vu en Formule 1. Une voiture designée par l'excentrique Gordon Murray, l'équipe Brabham arrive avec un concept atypique qui lui vaut le surnom de la F1 ventilateur. Parce que ça ressemble à un ventilateur. Cette révolution est une réponse directe à un Colin Chapman toujours aussi fou et brillant et à sa Lotus 78 qui innovait le concept des F1 à effet de sol. Pour vulgariser rapidement, le principe c'est de sceller le fond plat avec des plaques, appelées des jupes, pour créer une forte dépression sous la voiture et aspirer la Formule 1 au sol et générer de l'appui, en gros une sorte d'effet ventouse. Un concept rapidement imité par les autres, et cet F1 ventilateur de la Brabham BT46 sera rapidement jugé illégal, mais laissera le temps à Lauda de gagner une course avec. Flash Info. Le double champion de Formule 1 Niki Lauda vient d'annoncer sa retraite avec effet immédiat. L'Autrichien quitte le paddock du Canada juste après les séances d'essai. Pour le moment, il a simplement déclaré, je cite, « J'en avais marre de tourner en rond ». Well, to say that the motor racing world stunned by Niki Lauda's totally unexpected retirement is a masterpiece of understatement, because he's been at the top for 5 years, and all the recent talk's been about who he'd be with next year to stay there. La réalité économique commence à frapper les équipes qui constatent l'évolution des coûts dans le sport avec de plus en plus de nouvelles technologies à fabriquer et développer. Les sponsors ne suffisent plus à payer les factures et le système économique n'est profitable pour personne. Bernie Ecclestone avait pris les choses en main au début des années 70 en créant la FOCA, l'association des constructeurs de Formule 1. Il profitait pour acheter les droits télévisuels de la Formule 1 et proposait à chaque propriétaire d'équipe de lui racheter 10% de ses droits pour 100 000 dollars. « Mais que nenni !» tout le monde lui répondit. « Tu sais la quantité de tests qu'on peut faire pour 100 000 dollars, Bernie? Tu sais ce que c'est 100 000 dollars ?» Ecclestone se trouve un ami de poids en Max Mosley, fondateur de l'écurie March et ancien avocat. Sous le nom de la FOCA, l'association des constructeurs, il négocie directement avec les organisateurs de Grand Prix en leur demandant de verser une somme d'argent en échange de la venue de leurs équipes qui permettent de vendre des billets tout simplement. Petit retour sur cette finale entre Hunt et Lauda en 76. Alors que les pilotes demandent l'annulation à cause de la pluie torrentielle et que les télés s'installent, entre Bernie Ecclestone. Que les cadreurs rangent leurs trépieds et les commentateurs rangent leurs micros, si les télévisions veulent diffuser cet événement, elles doivent passer par lui. Il comprend qu'avec la popularisation des télévisions dans les salons, la Formule 1 peut devenir un grand business et il commence à louer l'exploitation des droits aux chaînes du monde entier. Les organisateurs du championnat, la FIA, n'apprécie pas du tout ces initiatives de ce petit homme à la coupe d'un Playmobil et nomme un nouveau président, Jean-Marie Balestre, un homme ferme qui devra faire respecter ses intérêts et s'assurer du bon déroulement des championnats. Balestre s'impose d'emblée. Il donne une amende de 10 000 francs suisses à John Watson pour avoir causé un accident en Argentine. Quoi ? Une caricature de bureaucrate qui vient donner des ordres aux équipes et aux pilotes ? Autant dire que ça commence très mal. Balestre interdit ensuite les jupes à effet de sol pour des raisons de sécurité en 81 et interdit les équipes de négocier avec les organisateurs. Troisième attaque, il n'accède pas à la demande de la FOCA lorsqu'on demande l'interdiction des moteurs turbo. Cette invention de l'écurie Renault lui vaudra en premier lieu les moqueries de ses pairs, des moteurs hors de prix qui cassent tout le temps leur veau le surnom de théière jaune. Mais plus le temps passait, plus Renault montait et commençait à s'affirmer en haut du peloton avec un moteur de plus en plus fiable. Ferrari et Alfa Romeo tentent de suivre, mais les équipes non motoristes sont dépendantes de la volonté de Ford qui fournit la vaste majorité des équipes indépendantes et le motoriste n'est pas prêt à suivre cet investissement. Chaque partie tente diverses tentatives de pression politique. La FIA se retire du Grand Prix d'Espagne, ce qui annule la validité de la course au championnat, puis la FOCA tente de créer son propre championnat parallèle en vain. FIA et FOCA doivent cohabiter malgré eux, car l'un n'est rien sans l'autre. En 1982 sont signés des accords Place de la Concorde. Ces accords sont en partie rédigés par Max Mosley et sont très favorables pour la FOCA. La FIA garde un contrôle total du règlement sportif et en échange, partage équitablement les recettes avec la FOCA. Aussi, la FIA doit accepter d'abandonner l'exploitation des droits commerciaux alors détenus par Bernie Ecclestone et les bénéfices seront ensuite distribués aux équipes proportionnellement à leurs résultats au championnat constructeur. À la suite de ces accords Concorde, la FIA et la FOCA décident de créer la super-licence. Alors non, il ne s'agit pas d'une licence avec une cape, mais c'est plus un permis pour tous les pilotes, un permis obligatoire en fait, pour tous les pilotes et tous les constructeurs. Et parmi les changements, on note que chaque équipe doit désormais construire ses propres châssis, et les pilotes ont l'interdiction de dire quoi que ce soit de négatif sur la FIA, et les équipes décideront de leur contrat sans que les pilotes puissent dire quoi que ce soit dessus. Ouais, non, ils ont pas aimé du tout, par contre, les pilotes. Après une semaine de protestations, incluant un piquet de grève, une nuit entre copains à l'hôtel, les pilotes ont gain de cause et ces clauses sont retirées des super licences. Bon, l'histoire est beaucoup plus longue, mais on va résumer. Le problème des moteurs turbo se résout de lui-même avec l'arrivée de nouveaux motoristes qui se mettent à développer ce système, tout comme Ford qui reste en place pour certaines équipes. Derrière ces futiles guerres politiques, il faut reconnaître deux choses. La F1 n'est rien sans les équipes et les pilotes, mais aussi la FIA fait un travail remarquable pour la promotion du sport et pour l'amélioration des conditions de sécurité. Depuis François Sévère en 73 jusqu'à 81, on compte 7 pilotes disparus en Grand Prix. C'est bien moins que ce que Jackie Stewart pouvait compter en une seule année 10 ans plus tôt, mais c'est toujours 7 de trop, surtout que c'est sans compter les victimes collatérales, à savoir le public et les commissaires de piste. Espagne 75. Les pilotes constatent que les barrières du circuit sont mal fixées. Emerson Fittipaldi boycotte l'épreuve, alors que les mécaniciens s'unissent pour les fixer et permettre à l'épreuve d'avoir lieu. Mais cela n'empêche que 4 spectateurs sont tués lors d'un crash pendant la course. C'est une leçon pour tout, pour moi aussi, parce que les organisateurs ont démontré que pour lui, c'est plus important l'argent que la vie humaine, ne pas seulement la vie de le pilote, mais la vie de le public aussi. De terribles images au Grand Prix de quelle année? Alors que des commissaires de course éteignaient les flammes d'une voiture immobilisée, L'un d'eux a été percuté de plein fouet par la voiture de Tom Price. Le pilote anglais a été frappé par l'extincteur du commissaire qui l'a renversé. Les deux hommes sont morts sur le coup. Cet accident n'aurait jamais dû arriver. Mais les commissaires sont bien obligés d'intervenir en piste et il faut trouver des solutions pour que cela n'arrive plus. En 78, Bernie Ecclestone prend de nouveau les choses en main et embauche un neurochirurgien qui sera présent sur tous les Grands Prix, le professeur Sid Watkins. Mais sa venue déplaît fortement aux organisateurs qui se sentent jugés et espionnés, tous ne respectant pas scrupuleusement les instations médicales demandées par la FIA. Ce péché d'orgueil sera décisif au Grand Prix d'Italie 1978. Le départ est donné alors que les dernières monoplaces ne sont pas encore arrêtées après le tour de chauffe. S'ensuit un carambolage terrifiant sur la ligne de départ. La Lotus de Ronnie Peterson prend feu. Claire Egazzoni, Patrick Depailler et James Hunt le sortent de l'épave. Peterson a l'air de bien se porter à l'exception de sa jambe en mauvais état. Le professeur Watkins accourt sur les lieux de l'accident, mais un barrage de policiers l'empêche de passer. Il aura beau expliquer qu'il est là pour soigner les blessés, il n'aura jamais le droit de passer. 20 minutes plus tard, une ambulance arrive pour amener Peterson à l'hôpital. À cause de ces 20 minutes sans soins, Ronnie Peterson meurt dans la nuit. Tout prête à croire que sans cela, le super suédois aurait enfin pu jouer ce titre qu'il attendait depuis si longtemps et se défaire de ce statut d'extraordinaire challenger qui n'a jamais eu sa chance, laissant derrière lui 10 victoires, 26 podiums en 123 départs. À compter de cette date, une voiture médicale transportant le professeur Watkins prendra le départ derrière le reste du peloton. Bernie Ecclestone lui donne carte blanche pour améliorer les conditions de piste sur tous les circuits. Alors que Jackie Stewart, qui était toujours présent au comité pour la sécurité, lui passe humblement le flambeau. Sid Watkins se battra contre vents et marées pour que chaque Grand Prix ait un centre médical au sein du circuit ainsi qu'un hélicoptère. On ne peut pas compter le nombre de morts et de blessés que le monde de la Formule 1 n'aura jamais à pleurer grâce à lui. De 76 à 80, 5 saisons et 5 champions du monde, dont 4 qui disparaîtront peu après leur titre, comme si gagner une seule fois leur suffisait. On recense donc James Hunt en 76, qui deviendra une coquille vide après ce titre, Lauda qui prend son second titre en 77 et sa retraite en 79, suivi par l'américain Mario Andretti en 78 au volant de sa Lotus à effet de sol. Équipier de Ronnie Peterson lors de la tragédie de Monza, Andretti retournera rouler au pays pour y finir sa carrière et sera le dernier champion du monde de l'écurie Lotus et le dernier champion du monde américain. Un autre champion du monde que je regrette de devoir occulter afin de pouvoir me consacrer davantage à d'autres légendes, mais vous pouvez retenir de Mario Andretti une carrière de Formule 1 couronnée d'un titre et de 12 victoires et d'une carrière encore plus grande aux États-Unis avec 3 titres en championnat de monoplace américaine. Un autre champion que je dois rapidement évoquer, c'est le jeune et rapide sud-africain Jody Scheckter. Débutant à seulement 22 ans, il causait beaucoup de grabuges en piste, dont un terrible accident à Silverstone en dérapant dans le peloton au départ. Mais son talent avait tapé dans l'œil de Ken Tyrrell, qui misait sur lui pour remplacer Stewart en 74. Il gagnait quelques courses avant de gagner son titre en 79 chez Ferrari et de prendre sa retraite en 80 pour devenir fermier. C'est de la reconversion, ça. Et enfin, un autre champion qu'on va seulement brièvement mentionner, mais qui va nous permettre d'introduire un autre nom de légende, est le champion de 1980, Alan Jones. Mais ce n'est pas tant le rondouillard et puissant Australien qui nous intéresse, que la toute jeune équipe qui le portait vers ce sacre, Williams Racing. I can't get to sleep. I think about the implications. Of diving into deep. Frank Williams crée son équipe Frank Williams Racing Car avec Pierce Courage dans les années 60. Issu d'un milieu modeste et ayant grandi dans un pensionnat, Frank est un amoureux de course qui inscrit son équipe en F1 en 69 en achetant un châssis à Jack Brabham. La mort de Courage en 70 est un des instants les plus traumatisants de sa jeune carrière, mais cela n'entame pas sa passion et il signe des partenariats avec des constructeurs automobiles et fait rouler quelques grands noms de l'époque, comme le flamboyant belge Jackie X, le charismatique français Jacques Lafitte ou le super suédois Ronnie Peterson. Mais par manque d'argent, Williams se fait racheter par le milliardaire canadien Walter Wolff et se fait virer de son équipe en 76. Frank n'abandonne pas, et en 77, il retrouve son ancien ingénieur Patrick Head pour fonder Williams Racing. Au volant, Alan Jones, un pilote au caractère bien trempé, qui se bat avec acharnement en piste, et le Suisse Claire Regazzoni. Vice-champion en 74 avec Ferrari, Regazzoni est aussi un pilote redoutable, bien que sur la fin de sa carrière, mais apporte surtout de l'expérience à la structure anglaise et sa toute première victoire en 79 à domicile. Williams domine la seconde partie de saison en 79 grâce à des ingénieurs hors pair. Frank Derny met en place un logiciel électronique révolutionnaire qui vient automatiquement ajuster la suspension pour offrir une voiture incroyablement stable en virage. On parlera alors de suspension active. Côté aérodynamique, le jeune Ross Brawn perfectionne les jupes à effet de sol et Williams accumule les titres. Constructeur et pilote en 80, constructeur en 81, mais la saison 82 est une autre paire de manches. Son champion Alan Jones et son équipier Carlos Reutemann partent à la retraite après deux Grands Prix. L'Argentin est remplacé provisoirement par Mario Andretti, puis par l'Irlandais Derek Daly. Mais ce dernier souffre entre abandon et pauvres résultats, et Williams ne peut compter que sur son nouveau numéro 1, un pilote rapide, brutal et sauvage, le Finlandais Keke Rosberg. Alors que Williams devient la nouvelle superpuissance, Ferrari perd ce statut aussi vite que Lauda quittait la structure, malgré le titre de Scheckter en 79, grâce à la progressive maîtrise des turbos pendant la saison. Mais 80 est la pire saison de l'équipe, et 81 est à peine mieux. Enzo Ferrari prépare lentement sa succession, l'âge commençant à le rattraper. Parmi ses pilotes, deux espoirs diablement rapides qu'il admire, le français Didier Pironi et le canadien Gilles Villeneuve, un de ses chouchous. Autant Pironi que Villeneuve sont capables du meilleur comme du pire et de piloter bien au-delà des limites. Célèbrement, Villeneuve démontre cela à Dijon en 79 face à la Renault de René Arnoux. Les autres pilotes et directeurs d'équipe seront extrêmement critiques face à leur pilotage dangereux, mais comme on l'a vu plus tôt, l'évolution de la sécurité est notable et ce crasher n'est plus aussi dangereux qu'avant et cette approche de « ça passe ou ça casse » de certains jeunes pilotes agace les vétérans. Villeneuve voyait sa première chance de titre en 79, mais encore inexpérimenté, il fut impuissant face à la constance et l'expérience de Scheckter. Mais en 82, l'avantage du turbo Ferrari devrait donner à Pironi et à Villeneuve une chance de se défendre. La saison 82 demeure comme l'une des plus disputées et incroyables de la discipline. Cette saison voit la confrontation des Williams, des Ferrari, des McLaren et des Renault, qui sont menés par René Arnoux et Alain Prost, et qui semblent être les forces à battre en début de saison, avec Prost qui gagne les deux premières manches et Arnoux qui en gagne deux autres. Il serait naïf d'oublier le champion en titre, un Brésilien du nom de Nelson Piquet dans sa Brabham, toujours dirigée par Bernie Ecclestone. Mais cette saison 82 est déjà marquée par un inattendu comeback, celui d'un Autrichien au visage marqué par la Formule 1. Niki Lauda revient en Formule 1 chez McLaren avec un contrat de 3 Grands Prix pour prouver sa valeur. Après le titre de Hunt en 76, l'équipe anglaise est en manque de succès et le recrutement d'un pilote de génie fait partie du plan du nouveau chef de McLaren, Ron Dennis. Lauda a 3 courses pour se prouver et aura comme référence un pilote aussi rapide que austère, l'Irlandais John Watson. Lauda doit faire face à la pression médiatique qui raconte que son retour est uniquement à but financier suite à la faillite de sa compagnie aérienne. Vous sentez la tension monter ? Ah non, c'est mes doigts, pardon. Eh bien, bon bref, eh bien préparez-vous à un début de saison unique à Kyalami en Afrique du Sud, puisque les pilotes font grève. Une grève menée par ce même Niki Lauda. Mais bon, ça on l'a déjà évoqué plus tôt aujourd'hui suite à l'affaire des super licences et des accords Concorde, donc revenons à cette saison 82 et au sport. Lauda fait forte impression dès son retour et remporte la troisième manche à Long Beach. Inutile de dire que son contrat de 3 courses chez McLaren est déjà étendu pour toute la saison. Les Ferrari marquent ensuite le coup à domicile à Imola avec un doublé mené par Pironi. Outre une épreuve entachée par une nouvelle dispute politique qui voit un boycott de toutes les équipes appartenant à la FOCA, les tensions entre Villeneuve et Pironi explosent. Alors qu'il menait largement devant le français, Ferrari demande aux pilotes d'économiser leur mécanique. Là où Villeneuve comprend que les deux voitures doivent ralentir et ne pas s'attaquer, Pironi comprend qu'il doit rouler moins vite. Et lorsqu'il porte l'attaque qui lui donne la victoire sur Villeneuve, il s'est assuré de faire ça en roulant moins vite pour économiser sa mécanique. Pure naïveté, instinct de compétition ou esprit vengeresque, nul ne le sait, mais ces tensions sont de mauvais augure pour Ferrari, mais nous promet une saison riche en action pour la lutte mondiale. Gilles Villeneuve est mort des suites d'un accident lors de la séance de qualification à Zolder en Belgique. Le pilote de 32 ans a percuté une marche au ralenti. Parti en tonneau, Villeneuve a été éjecté de sa voiture avant de s'écraser dans un grillage. Une disparition tragique qui nous rappelle les dangers de ce sport qui remet de nouveau en cause les jupes à effet de sol si controversées. Une aberrante boucherie. Enzo Ferrari est anéanti. La mort du français Patrick Depailler remontant à des essais privés en 80, il faut remonter à Ronnie Peterson 4 ans plus tôt pour compter une disparition en F1. C'était du jamais vu. Plus tard cette même année, le débutant Ricardo Paletti périra au Grand Prix du Canada. Mais il faut se féliciter des considérables diminutions des pertes en Formule 1 et continuer à travailler pour améliorer les choses. Car quoi qu'il arrive, le spectacle continue. John Watson gagne pour McLaren en Belgique en passant Rosberg dans le dernier tour, puis de nouveau à Détroit. Ce championnat est imprévisible et incroyablement disputé. Les vainqueurs s'enchaînent. Prost, Lauda, Pironi, Watson, Patrese, Piquet, Arnoux. Seul Didier Pironi semble plus régulier et le mieux placé pour gagner le titre. Didier Pironi est dans un état critique suite à un accident lors des essais du Grand Prix d'Allemagne. Il a percuté à pleine vitesse la Renault dans la Prost et s'est envolé avant de s'écraser contre les rails de sécurité. Beaucoup d'inquiétude autour de l'état de ses jambes. Ferrari s'effondre. Tout espoir de succès s'évapore. Un de ses deux grands talents n'est plus, et l'autre ne prendra plus jamais part à une course. Didier Pironi se remet lentement de cet accident, mais meurt en 1986 dans une course de bateau. Villeneuve est remplacé par un de ses plus proches amis et le parrain de son fils Jacques, le français Patrick Tambay. Tambay avait tiré un trait sur la Formule 1 quelques années plus tôt, mais il revint pour faire honneur à la mémoire de Villeneuve. Il portera fièrement les couleurs rouges en gagnant ce même Grand Prix d'Allemagne et aidant Ferrari à remporter le titre constructeur de cette saison 82. Tambay gagnera sa seconde et dernière course à Saint-Marin devant les Tifosi, un an après le scandale des consignes d'équipe. Submergé par l'émotion, Tambay témoignera avoir ressenti la présence de Villeneuve pendant toute l'épreuve en déclarant « Ce n'était pas moi qui pilotais cette voiture ». Le championnat continue et les Brabham de Patrese et Piquet souffrent de leur manque de fiabilité et d'une baisse de performance. Pour le Grand Prix d'Autriche, l'ingénieur Gordon Murray a l'idée de ne pas remplir le réservoir de Piquet et de lui économiser un train de pneumatique pendant les essais. Parti en pôle, Piquet est plus rapide que n'importe qui. Au 31e tour, il s'arrête pour changer ses gommes et ravitailler en essence. Du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Le Brésilien chute en 3e place, mais bénéficie de pneumatiques neufs pour aller chercher la victoire. Hélas, un problème électrique interrompt sa course, mais tous les autres rivaux prennent note de ce coup de génie. Les ravitaillements pendant le Grand Prix seront interdits quelques années plus tard. Well, let's see. Rosberg right with De Angelis now. One of these two is going to win the Austrian Grand Prix. They go into the Bosch curve for the last time. I can tell you that the whole Lotus team and the whole Williams team are crowding the pit rails. It's going to be one of the closest Grand Prix finishes for a long, long time. Oh, it's fantastic stuff. The engine just kept it well blocked. That's very excused by the last lap, but Rosberg's coming at him. He's going to finish side by side, and the engine has just held it. Pironi mène toujours le championnat de 9 points, mais derrière lui, c'est une lutte serrée entre Watson et Lauda dans leur McLaren, Prost dans sa Renault et Rosberg dans sa Williams. Remarquable de régularité, le Finlandais gagne sa seule victoire de la saison pour le Grand Prix de Suisse à Dijon. Ah non, cherchez pas à comprendre, ça vaut pas la peine. Grâce à cette régularité et une Williams tout aussi fiable, Keke gagne son premier titre, devenant le 7e champion différent en 7 ans, le 2e champion de Williams et le 1er champion finlandais, et le tout avec une seule victoire dans sa carrière. Une saison de Formule 1 magnifique, entachée par des disparitions tragiques. Colin Chapman, le fondateur de l'écurie Lotus, est décédé d'une crise cardiaque pendant son sommeil ce 16 décembre. Âgé de 54 ans, l'ingénieur anglais a marqué la Formule 1 par ses innovations révolutionnaires et avec son grand palmarès de 7 titres constructeurs, 6 titres pilotes et 72 victoires. L'année 1984 marque l'avènement d'un pilote qui suscitait beaucoup l'attention, Alain Prost. Après des débuts chez McLaren en 80, le Français avait été viré pour avoir cassé un peu trop de voitures et pour ne pas s'être fait beaucoup d'amis à l'usine. Son passage chez Renault avait été remarquable cependant, terminant jamais loin du titre en 82 et 83. Mais des conflits avec son équipier René Arnoux et l'instabilité politique à l'intérieur de l'écurie couplée à son caractère explosif font que Prost se fit renvoyer pour avoir trop critiqué l'équipe pour son manque de compétitivité et de fiabilité qui lui aurait coûté le titre en 82 et 83. Après, quand on voit le ratio d'abandon de Prost en 82 et 83, on peut se dire que c'est legit. Mais Prost, c'est pas juste un pleurnichard qui se crache. C'est un pilote diaboliquement rapide et, en gagnant en propreté, il rejoint McLaren de nouveau, qui le reprend pour remplacer John Watson en 84 et l'aligne aux côtés de Lauda. Et que McLaren ne regrettera pas ce recrutement. Le retour de l'ingénieur John Barnard, qui faisait gagner l'équipe sous l'ère de Fittipaldi, permet à McLaren d'instaurer une nouvelle technologie révolutionnaire. Barnard crée la première monocoque en carbone et s'établit comme le nouveau grand nom des ingénieurs en F1. Conçu par Barnard, propulsé par des V6 Porsche, les McLaren dominent le championnat 84 avec un duo aussi différent que équilibré. Prost, c'est la vitesse pure, une agressivité sans pareil, mais aussi son lot d'erreurs qui va avec et une visible impatience. En face de lui, Lauda, c'est la sagesse, la mesure et une régularité massacrante. Ils alternent les victoires, mais Prost a l'avantage. Lauda s'avoue inférieur aux Français. En ces mots, c'est le meilleur pilote qu'il n'ait jamais affronté. La force de Lauda réside dans sa capacité à ménager sa McLaren et, comme il le prouve lors du Grand Prix d'Autriche, de ne jamais abandonner. Alors qu'il mène la course, il voit sa mécanique faillir. Mais Lauda ne lâche rien et avec seulement le 3e et 5e rapport opérationnel, il remporte son Grand Prix national. Cela lui permettra de prendre son 3e titre mondial pour un demi-point devant son équipier, l'écart le plus serré de l'histoire, et d'illustrer une réelle passation de pouvoir lorsqu'il prendra sa retraite fin 85. Devenant le 4e pilote à gagner au moins 3 titres après Fangio, Brabham et Stewart, Lauda est le 2e pilote avec le plus de succès, égalant Jim Clark à 25 victoires et un total de 24 pole positions, et le nombre record de 54 podiums. Mais surtout, Niki Lauda, c'est une histoire, une légende qui portera les cicatrices de la Formule 1 pour toujours, tout comme la Formule 1 portera à jamais la cicatrice de Niki Lauda dans son ADN. Beaucoup avaient douté de lui à différents stades de sa carrière, mais sa détermination et cette science de la Formule 1 qui lui a valu tant de succès imprégnera Alain Prost, et ses paroles honnêtes et aussi délicates qu'un bulldozer dans un magasin de porcelaine avaient trouvé leur égal dans le français. Jusque-là, Alain Prost, c'était pour certains ce pilote trop prétentieux et impatient en piste. Mais après ce passage de flambeau, on voit Prost bon perdant sur le podium d'Estoril. On assiste là à la naissance d'une nouvelle légende qui aura pour mission d'occulter les records de son mentor. Champion en 85, il profite de la lutte fratricide chez Williams en 86 pour prendre le titre et le voilà au sommet du monde. Alain Prost a trouvé le juste équilibre entre sa diabolique pointe de vitesse et la fine précision qu'incarnait Lauda et ne sait quoi faire de toutes les offres qu'il reçoit. McLaren, Ferrari, Honda, il n'y a aucun doute, le nom d'Alain Prost n'attend que la fin de sa carrière pour s'inscrire parmi les légendes. Et le fait est, avec 28 victoires, il a déjà battu le record de 27 détenu par Jackie Stewart pendant plus de 14 ans. Et en réalité, ce demi-point qui lui coûte si cher en 84 nous renvoie au Grand Prix de Monaco qui fut interrompu à la mi-course à cause de la pluie. Mais ce qui marquait surtout ce Grand Prix de Monaco, ce n'était pas tant qu'il incarnait ce point manquant dans la lutte mondiale que la prestation d'un débutant au volant d'une modeste voiture. Look at the rain now. You can see that it's much heavier, the track is much wetter than it was a couple of laps ago, and now that's about the view you get when you're following another car. That brief one when he just came through and all the spray came up. And it's really horrible conditions. But Ayrton Senna is coping with them and he's catching Prost hand over fist for the lead. Après des débuts remarqués, ce jeune Ayrton Senna tape dans l'œil de beaucoup d'équipes et rejoint Lotus en 85. Avec une voiture plus compétitive, il peut se mettre en avant et explose aux yeux du monde au Portugal, de nouveau sous la pluie. Parti de la pole, il surclasse tout le monde et réalise le hat-trick en gagnant sa première course avec une minute d'avance. Les officiels s'acharnent à examiner sa Lotus pour déceler toute trace de triche, mais son ingénieur leur déclare « Bon, si vous voulez disqualifier quelque chose, disqualifiez Senna. Il n'y a que ça de magique dans notre voiture. » Et ainsi naît la légende de Magic Senna. Après plusieurs podiums et un grand nombre de pole positions, il gagne son second Grand Prix en Belgique sous la pluie, battant Prost sur la piste et s'attise l'attention du Français qui recommande vivement son intégration à McLaren pour 88. Avec l'arrivée de Honda et une nouvelle réglementation visant à réduire la puissance des moteurs que certains arrivaient à pousser à plus de 1400 chevaux, McLaren réussit sa transition à la perfection avec une voiture dominante qui ne laisse échapper qu'une seule victoire en 16 manches et les fans vont pouvoir assister à un duel tant attendu, celui du prodige en quête de succès contre le prodige déjà couronné. Prost gagne la première manche et Senna la suivante avant d'infliger un coup à son équipier pour la troisième manche à Monaco en lui prenant la pole position pour plus de une seconde. Un tour de légende qui figure encore aujourd'hui parmi les images les plus connues de la F1 mais qui se résulte en un crash pendant le Grand Prix. Mais ce championnat 88 marque l'apogée médiatique de la F1 et une remise en question du championnat. Avec de plus en plus de téléspectateurs à admirer ces petites voitures qui vont très vite et des supporters plus investis que jamais derrière leurs pilotes préférés, le système de points est remis en question. Car sur les 16 manches du championnat, seuls les 11 meilleurs résultats sont pris en compte. Cette règle, présente dès 1950, avait pour but de ne pas désavantager les pilotes qui gagnaient et abandonnaient trop souvent sur panne mécanique. Mais en ce faisant, les pilotes réguliers et économes comme Prost en payent le prix. Avec le système actuel, Senna gagna le championnat à une course de la fin avec 3 points d'avance. Si on compte l'ensemble des points de la saison, Prost aurait été sacré avec 11 points d'avance sur le Brésilien. Ce système disparaîtra seulement en 91 pour permettre de faire en sorte à ce que chaque course puisse avoir un impact au championnat. Je pense que voilà. Et l'autre va lui fermer la porte contre les murs. Oh, c'est une bagarre terrible qui s'annonce entre Sénat et Prost. Et Alain Prost est passé en force. Il est allé d'abord le chercher à l'intérieur. Il a poussé Ayrton Senna sur le côté extérieur de la piste. Ah là, ça nous annonce un formidable Grand Prix, car croyez-moi, le Brésilien ne va pas en rester là. Si pour avoir une peau douce et éclatante, Alain Prost vous conseille une savonnette, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais si pour votre peau d'échappement, Alain Prost vous conseille Midas, alors là, vous pouvez lui faire confiance. Et c'est fait en 30 minutes. Midas, des hommes de métier. Chacun son truc. Mais revenons en 89. Sur les 8 premières manches, ils se partagent 3 victoires chacun, et cette constance de Prost lui confère un avantage de 20 points. Mais la hache de guerre est lancée dès la deuxième épreuve à Saint-Marin. En première ligne, les pilotes avaient pour consigne de ne pas s'attaquer au premier virage pour éviter tout incident. Mais suite à un drapeau rouge, un second départ est donné. Senna rate ce départ et Prost le passe. Sentant que l'accord avait été rompu, Senna attaque Prost au premier virage et prend la tête et gagne la course. Complainte auprès de la direction de l'équipe, guerre psychologique dans les médias, le duel Prost-Senna est d'une intensité toxique et se résulte de manière dramatique au Japon lorsque les deux s'accrochent. Pour Prost, Senna n'avait aucun moyen de prendre ce virage correctement de l'intérieur à une telle vitesse, et pour Senna, Prost a fait exprès de lui rentrer dedans pour gagner sur un abandon. Des gamins qui se chamaillent pour savoir lequel des deux a commencé. Senna repart et gagne la course, mais Prost se plaint à la FIA, et la FIA sanctionne Senna, non pas pour l'accident, mais pour avoir coupé la chicane. Alain Prost gagne son 3e titre et égale Lauda, Stewart et Brabham. Mais cette fin de saison a une allure de farce, sans compter le fait que certains doutent de l'impartialité de Balestre et de la FIA dans cette décision en tant que Français qui favorise un Français. Moralement détruit, Prost rejoint une équipe Ferrari en lambeaux, mais à la surprise générale, il parvient à s'immiscer dans la lutte mondiale. Senna écrase son nouvel équipier, le très prometteur Gerhard Berger, tandis que Prost fait oublier l'existence du très réputé Nigel Mansell et se retrouve face à face une nouvelle fois pour l'avant-dernière manche au Japon. Subsiste une nouvelle controverse. Après avoir pris la pole, Senna remarque que les emplacements de la grille de départ ont été inversés et que le poleman part du côté sale de la piste. Les organisateurs responsables de ce changement et la FIA expliquent que c'est parce que cette position est plus avantageuse pour le poleman au freinage du virage 1. Senna n'est pas content, mais ainsi va la course. Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. Et ainsi, Ayrton Senna gagne son 2e titre mondial. Un nouveau final honteux qui entache l'image du sport et ruine le spectacle. Senna ne tardera pas à reconnaître d'avoir fait exprès de percuter Prost. Mais cela n'empêche que Prost et Senna incarnent le visage de la Formule 1, et avec l'explosion des télévisions et des diffuseurs de plus en plus nombreux, ils représentent la Formule 1 mieux que n'importe qui d'autre dans l'histoire. Les fans se déchirent entre les adorateurs de l'agressif Ayrton Senna, méprisant l'aspect perfide et vicieux de Prost, tandis que d'autres admirent le professeur, rapide et intelligent, calme et réfléchi, et ne supporte pas ce Brésilien au caractère explosif, mystérieux et paradoxal. Sans parler du fait que ce dernier subit beaucoup les critiques de ses prédécesseurs. If I were to count back all the world champions, and after all this is the 500th Grand Prix, if you totaled up all of those great champions, the number of times they had made contact with other drivers, that you in the last 36 months or 48 months have been in contact with more other cars and drivers than they might have done in total. I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver, because we are competing. We are competing to win. Hasn't that always been the case? Of all the great champions? Absolutely. Can't all be right that you have this many collisions, if you like. Oh que oui, tout le monde se rappelle de cette citation, extrait de cette interview, mais là où je voudrais aujourd'hui attirer votre attention dans cette même interview, c'est que Jackie Stewart semble avoir mis à mal la confiance d'Ayrton. Pour ce personnage intense, chercher les limites caractérise n'importe quel pilote de course. Pour Stewart, qui a vu trop de ses pairs disparaître en Grand Prix, l'amélioration de la sécurité ne devrait pas donner au pilote une raison de prendre plus de risques que nécessaire, et voir le plus grand pilote de son temps donner le mauvais exemple aux jeunes ne peut que l'inquiéter. Un pur conflit générationnel, et on ne peut que comprendre et respecter les deux points de vue. Senna finira par admettre que les propos de Stewart sont riches en sagesse et s'intéressera de plus en plus sérieusement à l'amélioration de la sécurité. Il se trouvera un allié de poids paradoxal en Jean-Marie Balestre. Si les deux hommes ont eu de nombreuses divergences sportives et politiques, Balestre n'a jamais négligé le retour des pilotes quant aux conditions de sécurité lors des briefings. Le travail du professeur Sid Watkins, le neurochirurgien que Ecclestone avait recruté en 78, est digne d'admiration et Senna et lui forgeront de beaux liens d'amitié. Ayrton remporte son troisième titre en 91 et égale d'autres légendes du sport, dont Alain Prost. Le moment marquant de sa saison 91 est sa première victoire à domicile, avec une boîte de vitesse endommagée. Devant piloter une F1 inconduisible, il remporte la victoire et, épuisé par sa réussite, puise dans ses dernières forces pour célébrer sa victoire devant ses compatriotes. Alain Prost disparaît par la petite porte, évincé par Ferrari à cause de ses remarques publiques quant à sa voiture et l'équipe, réminiscent des mauvais jours McLaren et Renault au début des années 80. Quoique pour cette fois, on peut trouver des excuses à Prost et davantage tourner l'accusation envers les télévisions et les médias qui se sont amusés à détourner certains de ses propos. Ayrton, quant à lui, remportera son Grand Prix national une nouvelle fois en 93. Un moment mémorable pour Ayrton, principalement car il recevra son trophée des mains de nul autre que Juan Manuel Fangio. La légende la plus titrée de l'histoire de la F1, ce pilote qui imposa sa domination lors de son passage en F1 remet un trophée à ce pilote qui semble incarner son alter ego dans cette époque. It's a sport done at the limit of human and mechanical ability. When you do that, you're going to have a crash. The interesting question is why he crashed. It's why did he get killed? If you took all the Formula One drivers, even the current crop of racing drivers, and said, here are two cars. That one is very safe. That one's extremely dangerous. If you crash in it, you'd probably get killed. But the dangerous one's 2 seconds a lap quicker. There would be no discussion about which one they'd drive. They'd all get in the dangerous one. That's why it's the people running the sport have to take responsibility. Ces années 70-80 sont d'une richesse inimaginable en termes d'intrigue, et j'espère vous avoir permis de les découvrir, ou redécouvrir, hein, sans ressentir la frustration d'avoir manqué trop de miettes. Une ère de la Formule 1 riche en rivalités à tous les niveaux, Ferrari et McLaren, Prost et Senna, la FIA et les équipes, et sans parler des figures emblématiques de la Formule 1 comme Frank Williams, Ron Dennis, James Hunt, et terrifiante de courage, incarnée par Niki Lauda, dont l'épopée marque les pages les plus importantes de l'histoire du sport, et sans oublier ses chers disparus comme Ronnie Peterson ou Gilles Villeneuve, qui nous rappellent les dangers de la discipline tout en montrant le gigantesque bond en avant effectué depuis le départ de Stewart et l'intervention de la FIA et du professeur Sid Watkins. Et comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons pas encore tout vu. D'autres moments inoubliables sont à venir, comme le retour de noms de légendes incarnés par les héritiers de Graham Hill et Gilles Villeneuve, et de rivalités épiques, comme entre Nelson Piquet et Nigel Mansell, ou sublimées par l'admiration, comme entre Mika Hakkinen et Michael Schumacher, sans oublier cette inédite ère de domination de Ferrari qui réécrira le panthéon de notre sport préféré. Mais nous allons garder tout ça pour de prochaines histoires sans fin.